Attention, tu viens à personne. Non, non, mais attention. Moi, je vais dire une chose parce que. C'est pas avec le débat alors. Mais Santi, c'est quoi cette histoire là que c'est passé récemment? Ça marche pas aussi bien qu'avant? Je suis demandé. Attends. Non, sinon ça passe. C'est en 2-9. Tu sais ces histoires là que ça va au moins bien 40 cent. Ah non, 100, c'est quoi 100? 100 à point. La personne qui ça dépend de ce que tu veux. Non mais c'est rien ça. Ça c'est mon problème. Non non mais ça c'est notre problème. Non mais ça c'est moi qui le règle. Ça c'est moi qui le règle avec l'autre. Je l'attends. Je l'attends. J'attends au tournant. C'est génial parce que. Moi j'ai entendu dire que c'est quand j'ai dit que Banque répond plutôt intelligemment aux questions. C'est plus qui c'est qui m'a dit ça. Il va venir. Quoi ici? C'est le con qu'on est. Non, mais il va trouver, il paraît qu'il cherche. Ah, il cherche. Ah ben. Non, non, mais de manière ça, les histoires des coups de fil, laisse tomber, j'y crois plus. Non. Et il cherche, comme ça. Dessus, je suis beaucoup plus con. Tu vas faire quoi avec Henri alors? Tu vas Ah non, mais moi, moi je cherche plus, tu vois. Non, non, mais moi, je cherche plus. Par contre, je te fais confiance. Ouais, ne m'appelle pas à n'importe quelle heure. Je t'appellerai au cas où il y a un truc important. Eh bien, moi, je voulais te parler aussi. Je voulais te ça t'intéresse pas de faire un truc. Parce que, écoute, ça va chier 5 mètres. Non, ça continue. Ah, moi, je peux te dire, ils ont disparu. Regardez, on a regardé le truc. Moi, j'ai passé mon après-midi sur le net, il n'y avait rien du tout. Il n'existe plus, c'est pour ça qu'il continue avec. On va te montrer si tu veux. Saloperie. Attends, ne me dis pas qu'il n'existe plus, il existe encore. Hein? Il existe encore. Ah, il n'existe plus. Si tu allais voir ce midi avec. Il y a un mois, il y a eu les saloperies. Oui, il a fermé avant-hier. Parce que ça ne t'intéresse pas, je te dis qu'on fasse un vrai site avec juste des trucs normaux. Quoi. Parce que tu vois, Max, il a son site, Manu, il a son site, Tidak, il a son site. Non, mais ça, on en avait discuté. Carrette, c'est capé, fait par Nicolas, 18 ans de Lyon. Non. C'est bien. Non. C'est bien, c'est bien. Ah ouais. Mais faut pas voler les remix, hein. Oui, il pique des remix. Non, mais même, j'ai refusé sur pour un. Ouais, mais c'est un con. Non, celui qui a fait le site internet de Max, non. Stéphane, non. Il a parlé, on l'a joué au concert. Non, mais de toute manière, faut qu'il aille mon accord. De toute manière, laisse-moi finir les trucs avec ma jambe. Ouais, t'inquiète pas, ça, là, c'est juste le temps, le fait que c'est plus là. Non, mais même, là, ils m'ont retiré les agrafes hier, alors. Rien. Ils ont changé, il y a la plaque toujours. Non. T'as plus la plaque dans la roche. Donc là, c'est surfait, c'est ça, maintenant, c'est bon. Il s'est refait, La tout ça, ça marche bien, ça marche comme il faut. Ça grince quand tu fais ça. Bah oui. Ça grince, hein. Ça, c'est. C'est ça, il faisait n'importe quoi. Moi, attends, je vais prendre. De toute manière, il faudra qu'on voie. Faudrait que tu m'appelles en début de semaine prochaine. Non, mais pas. Non, mais en. Quelques photos ce soir, de quoi c'est rempli pour ma mère. Ok, pourquoi? Juste pour ma mère. Rigo, tu me sors. On est combien? Je crois qu'il a annoncé. Non, on était 6 700 tout à l'heure. Hein? 6 700. Là, t'as pas à répondre au téléphone. C'était pour toi, je sais, c'est pour toi. qui? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore vu. C'est qui, Sarban? Arnaud. Non, j'ai pas vu encore Ricky, Arnaud. C'est Gérard, là, à l'appareil. Ouais. Ben, pas pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a vu Ricky? Non, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé encore. Ben, je sais pas si c'est lui qui me remplace à 2h du matin. C'est qui me remplace normalement? C'est Jean-Jean. Non, normalement, c'est Jean-Jean. Bah ouais. Bah ouais. Il va prendre les équipes comme ça. Bah là, dans une demi-heure. Bah ouais. Et quand est-ce que tu m'invites, toi? Dans ton émission? Ouais. La semaine des 4 jeudis, quand il y aura dimanche? La semaine des 4 jeudis, quand il y aura dimanche? Bon, de toute manière, non, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Hein. Ben, rien. Non. Ouais. Non. Ok, ça roule. Ok. Ciao. Début de semaine prochaine. Mais après le 1er mai. Plus mercredi. Mais c'est pourquoi? Non mais comme ça. Si tu vois Ricky. Gérard, on y va. On y va. Ouais. On va faire un peu de courrier, tout ça. Non, ton courrier de merde, tu te le carres au cul. Ah non, mais c'est pas des trucs... Tu ton courrier de merde, tu te le carres au cul. Mais écoute, c'est parce que t'es avec tes copains que tu te la ramènes. Toi, ton courrier de merde... C'est avec... pas du courrier de merde, c'est du courrier où ils ont fait des sondages et tout sur les débats. Il y a pas de faire, il y a pas d'envie, il y a pas de tout ça. Donc tu commences pas à gueuler, c'est du vrai pas. Courrier. Je te crois pas. De toute façon, on y va, là, oh. C'est bon, t'es pas au club med ici. Ouais, c'est pas ce que tu veux, t'es là pour bosser. Ouais, c'est chaud. Si tu veux, je vais même pas mes sandons. Mais tu vas l'avoir comme un goût, là. Non, mais voilà. Ça, tu vas l'avoir comme un goût. Tu vas l'avoir comme un goût, tu penses.